Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 18. De la vie de Dieu. Dieu est vivant, tout est vie en lui. 1. Toutes les choses de la nature ont-elles la vie? Le signe caractéristique de la vie, c'est le mouvement spontané, car on dit que l'animal commence ou cesse de vivre selon qu'il reçoit ou perd la faculté de se mouvoir. Les êtres vivants sont donc ceux qui possèdent la spontanéité du mouvement, soit que l'on parle du mouvement de l'être imparfait, soit que l'on entende celui de l'être parfait, comme sentir et comprendre. L'être qui n'a pas le premier principe du mouvement n'est appelé vivant que figurément. Ainsi les corps graves ne vivent pas, les eaux courantes sont appelées vives par métaphore. 2. La vie est-elle une opération? La vie n'est point, à proprement parler, une opération. Le mot vie, emprunté au signe caractéristique de la vie, qui est le mouvement spontané, désigne la substance et la nature de l'être qui possède la spontanéité. Vivre, a dit Aristote, c'est être. En d'autres termes, vivre c'est exister dans une nature qui a la faculté de se mouvoir elle-même et de se porter à l'opération spontanément. La vie désigne cette existence considérée d'une manière abstraite. Vivant est un attribut de la substance, et non une opération. Note. Quelquefois, cependant, le mot « vie » se prend pour marquer les opérations vitales. En ce sens Aristote a pu dire que vivre, c'est principalement sentir et connaître. Fin de la note. 3. Dieu a-t-il la vie? Avoir la vie ou être vivant, c'est agir de soi-même avec la spontanéité d'action et sans recevoir l'impulsion d'un principe étranger. Plus un être possède une telle spontanéité, plus sa vie est parfaite. Mais la spontanéité, pour être parfaite elle-même, suppose que l'être qui en est doué agit en vue d'une fin, et, conséquemment, elle appartient proprement à l'être intelligent. Tellement que, s'il existe un être dont la nature soit son intelligence et qui est par soi tout ce qu'il possède essentiellement, cet être a la vie au suprême degré. Tel est Dieu, dont l'intelligence est la nature même, qui ne reçoit rien d'aucun principe, et dont la spontanéité est parfaite, il possède la vie dans le degré le plus éminent. Aussi David s'écriait-il, « Mon cœur et ma chair ont tressailli en présence du Dieu vivant. » Psaume 83, 5. Cette vérité n'a pas échappé aux philosophes, qui, de ce principe que l'intelligence divine est parfaite et toujours en acte, concluaient que Dieu a une vie parfaite et éternelle. 4. Tout est-il vie en Dieu? On lit dans saint Jean, « Tout ce qui a été fait était vie en Dieu. » Jean 1, 3. La vie de Dieu, c'est sa connaissance. Tout ce qui est connu de lui est sa vie. Tout ce qu'il a fait est connu de lui. Donc tout vit en lui de sa vie divine. Tel est le sens des paroles de saint Jean. Mais les êtres n'en ont pas moins leur vie propre. C'est ainsi que la maison est vide dans l'esprit de l'architecte, où sa forme existe d'une manière spirituelle et intelligible, tandis qu'au dehors elle est matérielle et sensible en elle-même. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.